La juge veut gâcher ta vie, enferme dans une cage jour et nuit pour pas lâcher. À tous les enfermés, enragés ou mal encouragés. Pas de taf, pas de thune, faut pas lâcher. Un jour ça va payer à mon QG. Interdit de lâcher, prise sous l'emprise de réussir son empire. Même si les jours s'empirent, faut pas lâcher. La vie nous fait plus souffrir que sourire. Les soucis nous empêcheront pas de rien lâcher. Le cœur glacé, lassé de cette vie en vie. Le coup de lacet, mon frère, la vie est chère. Comment se l'acheter avant de l'acheter? Rien lâcher. L'État peut nous hacher comme un steak haché. Ma jeunesse est fâchée car on l'a lâché. La réussite est à nous, on va pas la lâcher. Le bif, il est à nous, on va pas le lâcher. L'avenir nous appartient alors faut rien gâcher. Si cette femme le met bien, et bien faut pas la lâcher. L'arbi, FAB, bien représenté. Avoir hoche, 32 000, c'est du pay. Nous, on va pas la lâcher. Le bif, il est à nous, on va pas lâcher. L'avenir nous appartient, alors faut rien lâcher. Si cette femme, vous m'aimez, eh bien, faut pas la lâcher. L'arbi, FAB, on vient représenter. À voix hoche, 32 000, c'est du P. Le son dans le sang, la haine et le seum, je ressens toujours sur le ciment, je compte pas le lâcher. Comme au respect, je te donne pas facilement, je rappe aisément, je suis puissant comme un 400, mon rythme. Je vais pas le lâcher, le doigt sur la gâchette, jamais je vais le lâcher. Trop de talent caché, de talent taché, la concurrence est fâchée. Même si la machine est en route, je t'ai froissé. Il répond plus, préfère se cacher, il refuse, il vit bien, son noyé dans les cachets. Je fais que les avancer, les défoncer, psychologiquement ils sont choqués. Le cerveau endommagé, je vais continuer jusqu'à transpercer. Le rap c'est notre affaire, on va pas le lâcher. À nous, on va pas la lâcher. Le bif, il est à nous, on va pas la lâcher. L'avenir nous appartient, alors faut rien gâcher. Si cette femme t'aimait bien, bien, faut pas la lâcher. L'arbi, FAB, on vient représenter. À voix hoche, 32 000, c'est du P. C'est du P. La réussite est à nous, on va pas la lâcher. Le bif, s'il est à nous, on va pas la lâcher. L'avenir nous appartient, alors faut rien gâcher. Si cette femme te met bien, eh bien faut pas la lâcher. L'arbi, FAB, on vient représenter. À voix hoche, 32 000, c'est du P. Ta dream team s'est transformée en dream team, tu devrais la lâcher. Ta life produit noir, tu devrais la gouacher. 19 bitch, j'ai la vie devant moi, mec. J'ai le temps de me venger. Poto, m'envoie pas à la ferraille pour un coup qui fera pas manger. Toujours sur le terre-terre, tu piques t'as des gosses, pense à te ranger. Avoir le danger de pour après. S'il t'attrape, mec, il va pas te lâcher. Les portes de mon avenir sont fermées. J'ai mon pied de biche, je vais bien finir par les ouvrir. T'inquiète trop, je vais pas lâcher. Des bastos, je fais que cracher. Les jaloux sont dégoûtés, ils vont bien finir par céder. Avouez que notre CD, même par eux, est apprécié. On a la dalle gros, on n'a pas d'appétit. Pressé de croquer avant de calacher. Sur tout le monde avant de craquer. Le rap c'est notre affaire mec, on va pas le lâcher.